À l'occasion de la Journée du Soleil, les délégations et les délégués des organisations d'études des Edutse sont arrivés le 13 courant à Pyongyang par avion et train. Ce sont la délégation de l'Institut du Kim-Sunisme Kim-Jong-lisme de Russie, conduite par son directeur Vasim Kuzimin, la délégation de l'Union des femmes Kim Jong-suk de Russie, conduite par sa présidente Yelena Babichi, la délégation de l'Association d'études des Edutse de Russie, conduite par son président Dmitri Kostenko, la délégation du Forum de littérature du Népal pour l'étude de la politique de Sengun, conduite par son président Sankori Baroti, la délégation de l'Association du soutien à la politique de Sengun du Népal, conduite par son président Manik Lamin, la délégation du Forum des écrivains et des journalistes Népal République populaire démocratique de Corée, conduite par son président Ashok Prasad Subedi, la délégation de l'Association des journalistes népalais pour l'étude des Edutse et de la politique de Sengun, conduite par son président Manju Latra Sakian, la délégation du Centre d'études des Edutse du Brésil, conduite par son président Gabriel González Martinez, la délégation de l'Institut des Edutse du Bangladesh, conduite par son président Sheikh Lapikul Islam Babulu, la délégation d'études des Edutse du Pakistan, conduite par Javed Ansari, secrétaire général de l'Association d'études de la confiance en soins, la délégation de l'Association Pictosan pour le développement indépendant de Mongolie, conduite par Naran Troyan, membre du conseil directeur, la délégation du Cercle d'études des Edutse de la région sud de Suisse, conduite par son chef David Lossi, la délégation des adeptes des Edutse de l'Europe occidentale, conduite par Andreas Enström, représentant officiel de la succursale irlandaise de l'Association d'amitié avec la Corée, la délégation du Cercle d'études et de matérialisation des Edutse de Tchèque, conduite par Lukasz Brobel, la délégation d'études de l'indépendance de Turquie, conduite par Naim Hejular Eminoglu, Vipin Gupta, président du Comité indien d'études de la philosophie du Tutsé et sa suite, Edmond Juve, administrateur général de la Société européenne d'études des Edutse, Yamin Joseph, délégué ghanéen d'études des Edutse, et Sikuna Kamara, délégué guinéen d'études des Edutse.